Chapitre 39e. Ce que le monde dit de la naissance. Béatrice, dit Franck en entrant précipitamment dans la chambre de sa sœur, je viens vous demander un grand service. Cela se passait 3 ou 4 jours après la visite de Franck à Merethorn. Il n'en avait encore parlé à personne, quoiqu'il fût bien décidé à n'en pas faire mystère à son père. Il avait achevé sa tournée de visite au chenil, au maître de la meute, aux écuries des sportsmen des environs, etc. Et il était maintenant libre de s'occuper de ses propres affaires. Il se proposait donc d'en parler au Squire le même jour, mais il fit préalablement sa requête à sa sœur. « Je viens vous demander un grand service, » lui dit-il. Le jour du mariage de Béatrice était fixé. M. Riel avait fait observer que leur voyage de noces perdrait la moitié de son charme s'il ne profitait pas du beau temps, ce à quoi Béatrice n'avait eu aucune raison plausible à opposer. L'heureux jour venait donc d'être fixé, et quand Franck accourut demander un service à sa sœur, elle n'est pas d'humeur à lui rien refuser. « Si vous désirez que j'assiste à votre mariage, il faut absolument me rendre ce service, » ajouta-t-il. « Si je désire que vous y assistiez, mais il va sans dire que vous y assisterez, Franck. Je ferai tout ce que vous me demanderez, à moins que ce soit de vous donner la lune ou quelque chose de ce genre. » Franck n'était pas d'humeur à plaisanter. Il faut que Mary soit une de vos demoiselles d'honneur, dit-il. Or, songez-y bien, il peut y avoir quelques difficultés, mais vous insisterez. Je sais tout ce qui s'est passé, mais il ne sera pas dit qu'elle ait été exclue un jour comme celui-là, vous qui étiez autrefois comme deux sœurs. Mais, Franck, point de mais, Béatrice, dites que vous voulez me faire ce plaisir, et ce sera fait. Je suis sûr qu'Auriel l'approuvera, ainsi que mon père. Mais, Franck, vous ne voulez pas m'écouter. Non, si vous me faites des objections, j'y tiens essentiellement. « Et moi aussi. Eh bien alors ?» Et j'étais voir Mary dans cette intention. Elle a refusé. Elle semblait prétendre qu'après tout ce qui s'est passé, elle ne pourrait plus jamais revenir à Greshamsbury. « Baliverne. Mais Franck, ce sont ses sentiments. Et à dire vrai, je ne pouvais les combattre. Je sais qu'elle n'est pas heureuse, mais le temps guérira ses peines. Et à vous dire vrai, Franck ?» C'était avant mon retour que vous lui avez demandé, n'est-ce pas ? Ou la veille même, si je ne me trompe. « Eh bien, tout est changé maintenant, je l'ai vu depuis. »« Vous l'avez vu, Franck ?»« Certainement que je l'ai vu. »« Je suis allé la voir dès le premier jour. »« Et Béatrice, vous pouvez me croire ou non, comme il vous plaira, mais si jamais je me marie, ce sera avec Mary Thorne, et si jamais elle se marie, je crois pouvoir dire que ce sera avec moi. »« Dans tous les cas, j'ai sa parole. »« Et maintenant, vous ne pouvez pas vous étonner de mon désir de l'avoir assistée à votre mariage, ni de m'entendre déclarer que s'il est absente, je m'absenterai aussi. » Je ne veux point faire de mystère. Vous pouvez le dire à ma mère, si vous le voulez, ainsi qu'à tous les deux Courcy, pour le cas que je fais d'eux. » Franck avait toujours l'habitude de régenter ses sœurs, et elle lui avait toujours obéi, surtout Béatrice, qui, dans cette circonstance encore, aurait bien voulu lui montrer la même soumission si elle avait su comment s'y prendre. Elle se rappela le serment qu'avait fait Mary d'assister à son mariage et d'être à côté d'elle alors même que tous les deux Courcy seraient réunis devant les marches de l'hôtel. « Je serais si heureux si elle voulait venir, » dit-elle, « mais que dois-je faire, Franck, si elle refuse ?»« Retournez auprès d'elle. N'ayez aucun scrupule à cet égard. Ne vous ai-je pas dit qu'elle sera votre sœur ? Elle ne reviendra plus à Greshamsbury, disiez-vous, mais moi je vous dis qu'elle y demeurera pendant des années et des années. » Tandis que vous demeurerez là-bas, au presbytère. » Béatrice promit tout ce que Franck voulut, mais elle ne pouvait encore se persuader que Miss Thorne devint jamais la maîtresse de Greshamsbury. Il était si absolument nécessaire que Franck épousât une femme riche. D'ailleurs, que signifiaient toutes ces affreuses rumeurs qui circulaient au sujet de la naissance de Mary ? Rumeurs plus terribles que tout ce qu'on avait pu dire jusqu'alors. Augustin n'avait pas beaucoup exagéré en disant à sa cousine que son père avait le cœur brisé. Les chagrins du Squire ne faisaient qu'augmenter, et quoique M. Gatsby fût un excellent homme d'affaires, sa présence ne paraissait pas alléger les peines de M. Gresham. Au contraire, M. Gatsby lui parlait continuellement de ses dettes et de l'embarras dans lequel il s'était mis. Or, il faut rendre justice à M. Humbleby, il ne s'était jamais rendu importun de cette manière. M. Gatsby avait eu sans doute raison quand il avait déclaré que Sir Louis Scatcherd n'avait pas le pouvoir de recourir à la loi contre le Squire. Mais Sir Louis avait aussi eu raison quand il s'était vanté qu'en dépit du testament de son père, il pouvait forcer d'autres personnes à s'occuper un peu de ses intérêts. D'autres personnes s'en étaient occupées en effet, et s'en occupaient encore, et l'on découvrit bientôt qu'une moitié au moins de ce qui restait de la propriété de Grahamsbury devait de toute nécessité être vendue. Toutefois, cette mesure ne devait nullement laisser au squire la libre possession de l'autre moitié. On comprendra donc pourquoi M. Gresham avait le cœur brisé. Frank était de retour depuis une semaine, et son père ne lui avait pas encore parlé du triste état des affaires de la famille. Pas un mot non plus n'avait été prononcé entre eux au sujet de Mary Thorne. Il avait été convenu que Frank s'absenterait pendant une année afin de l'oublier. Il s'était absenté pendant une année, et il était revenu, ne l'ayant pas oublié. Il arrive assez généralement que dans chaque famille, on ne s'occupe que d'une seule affaire importante à la fois. La chose importante dont on s'occupait le plus en ce moment à Grahamsbury, c'était le mariage de Béatrice. Lady Arabella avait à pourvoir au trousseau de sa fille. Le squire avait à fournir l'argent pour le trousseau, et M. Gatsby avait à se procurer l'argent pour le squire. Pendant ces négociations, M. Gresham n'était pas pressé de parler à son fils soit de ses dettes, soit de Marie. Il aurait le temps de le faire après les fêtes de mariage. Ainsi pensait le père, mais le fils précipita cette explication. Lui aussi avait différé la déclaration qu'il avait à faire, tant pour épargner du chagrin à M. Gresham que pour s'en épargner à lui-même. Nous avons tous un peu de cette poltronnerie qui nous porte à ajourner un mal inévitable. À cette époque, les délibérations au sujet du mariage de Béatrice étaient fréquentes au manoir, et pendant une de ces discussions, Frank avait entendu sa mère énumérer les noms des demoiselles d'honneur de la mariée. Celui de Marie n'en faisait pas partie, de là sa démarche auprès de sa sœur. Lady Arabella avait eu ses raisons pour passer cette liste en revue devant son fils, mais elle avait manqué son but. Elle avait voulu lui prouver combien Marie était totalement oubliée au manoir, et elle ne réussit qu'à lui inspirer la ferme résolution de ne pas la laisser oublier. Il s'était donc rendu auprès de sa sœur, puis, préoccupé de ce sujet, il se décida à en parler immédiatement à son père. « Mon père, avez-vous un instant de loisir à m'accorder ? » dit-il en entrant dans la chambre où le squire avait coutume autrefois de trôner majestueusement, de recevoir ses tenanciers, de réprimander ses subalternes, et où, dans des jours meilleurs, il avait toujours dressé le programme des parties de chasse du Barsetshire. Le squire ne manquait pas de loisirs depuis que M. Gatsby s'était chargé d'arranger ses affaires, mais se fût-il livré au travail le plus absorbant, qu'il eût toujours été heureux de le mettre de côté à la prière de son fils. Je n'aime pas avoir le moindre secret pour vous, mon père, dit Frank, ni pour toute autre personne dans l'affaire dont il s'agit. Cette toute autre personne était sa mère. Aussi préférais-je vous dire tout de suite ce que j'ai résolu. » Cette entrée en matière était un peu brusque et Frank le sentit. Il était passablement ému et agité et n'avait pas pris le temps de se préparer à cette entrevue. « Bonté du ciel, Frank, que voulez-vous dire? Vous n'allez pas faire quelques coups de tête? Expliquez-vous. »« Je ne pense pas que ce soit un coup de tête, mon père. Asseyez-vous, mon enfant. Qu'avez-vous donc résolu de faire ?»« Rien pour le moment, mon père. » dit Frank un peu confus. « Mais comme ma résolution est prise au sujet de Marie, que je suis tout à fait décidé, je crois qu'il est de mon devoir de vous le dire. »« Au sujet de Marie ?» dit le squire presque rassuré. Alors Frank raconta avec volubilité à son père tout ce qui s'était passé entre lui et Marie. « Vous voyez, mon père, dit-il en terminant, que c'est décidé et qu'on n'y peut rien changer. On ne le doit pas non plus. Vous m'avez demandé de m'éloigner pendant un an. » « Je l'ai fait, et vous voyez que mes sentiments sont restés les mêmes. Quant à nos moyens d'existence, je suis prêt à faire tout ce qu'on jugera convenable et prudent. Je pense prendre une ferme et vivre du rapport que je pourrai en tirer. » Le squire garda un moment le silence. La conduite de Frank comme fils avait toujours été exemplaire, et quant à son amour pour Mary Thorne, comment eût-il été possible à M. Gresham de lui en faire un crime ? Il aimait lui-même Mary presque autant que ses propres filles, et bien qu'il désirât aussi que son fils fît un mariage qui lui permît d'alléger les dettes du domaine, il ne partageait nullement la manière de voir de Lady Arabella à cet égard. Aucune comtesse de Courcy n'avait encore réussi à le persuader que le monde courrait à sa ruine si Frank n'épousait pas une dot. Vous rappelez-vous ce que je vous ai dit de la naissance de Marie, Frank ? Oui, mon père. Elle m'a dit elle-même tout ce qu'elle en sait, et le docteur m'a raconté le reste. Et qu'en pensez-vous ? « C'est un grand malheur, mon père. C'eût été peut-être une raison pour ne pas l'admettre au manoir il y a quelques années, mais à présent cela ne peut en rien ébranler ma résolution. Frank n'avait pas l'intention de rejeter tout le blâme sur son père, mais il ne le faisait pas moins. L'histoire de Mary n'avait jamais été racontée à Lady Arabella, tandis que le Squire l'avait toujours connue. Si la naissance de Mary était une si grande tâche pour elle, pourquoi l'avait-il introduite dans sa maison, au milieu de ses propres enfants? Oui, Frank, c'est un grand malheur. Il ne nous est pas possible de renier la naissance. La position sociale en dépend trop. Mais quelle était la naissance de M. Moffat? Dit Frank presque avec dédain. Ou de Miss Dunstable? Eût-il ajouté s'il ne se fût souvenu que son père n'avait pas prêté les mains à son mariage avec Longan du Liban. C'est vrai, Frank. Cependant, ce que vous voudriez donner à entendre est faux. Nous devons prendre le monde comme il est. Si vous épousiez une riche héritière, supposez même que sa naissance fût aussi obscure que celle de la pauvre Mary. Ne l'appelez pas pauvre Mary, mon père. Ma femme aura le droit de prendre rang dans le monde, quelle que soit sa naissance. Soit. C'est dans ce sens que je dis pauvre Mary. Mais si c'était une riche héritière, le monde lui pardonnerait sa naissance en raison de ses richesses. Le monde est trop complaisant, mon père. Il faut le prendre comme il est, Frank. Je vous dis simplement ce qu'il en est. Si Porlock épousait la fille d'un décrotteur sans un liard, il ferait une mésalliance. Mais si la fille du décrotteur avait un demi-million de livres sterling, personne ne songerait à le dire. Je n'émets pas ma propre opinion, je cite celle du monde. Je ne me soucie pas de l'opinion du monde. C'est une erreur, mon enfant. Vous vous en souciez, et vous seriez bien insensé s'il en était autrement. Vous voulez dire que sur ce point du moins, vous tenez plus à votre amour qu'à l'opinion du monde. Oui, c'est ce que j'entends. Quoique le squire eût été très clair dans sa définition, il n'avait pas encore approché de son but. Ce mariage devait achever la ruine de Greshamsbury, et cependant, qu'aurait-il à y objecter, puisque cette ruine était causée par sa propre faute? Vous pourriez me donner une ferme, n'est-ce pas, mon père? Je pensais ainsi tous ces 100 acres de terre. Je suppose que je pourrais en tirer parti. Une ferme, dit le squire, d'un air distrait. Oui, mon père. « Je dois pourvoir à mon existence, et il me semble que je risque moins de faire quelque école en prenant ce parti de préférence à tout autre. D'ailleurs, il me faudrait beaucoup de temps pour devenir attorné ou docteur ou quelque chose de ce genre. »« Pourvoir à son existence. L'héritier de Greshamsbury était-il réduit à cette extrémité, tandis que lui, le squire, avait hérité, alors qu'il était encore plus jeune que Frank, d'un revenu de 14 000 livres sterling ? Cette réflexion était bien amère pour M. Gresham. Oui, dit-il, je suppose que vous pourriez avoir une ferme. Et il se renversa dans son fauteuil en baissant les yeux, puis se levant tout à coup, il se mit à marcher à pas précipités dans la chambre. Frank, dit-il enfin en s'arrêtant devant son fils, que devez-vous penser de moi? De vous, mon père? Oui, de moi qui vous ai ainsi ruiné? Je me demande si vous ne me haïssez pas. Frank se leva impétueusement et se jeta dans les bras de son père. « Vous haïr, mon père? Comment pouvez-vous me parler si cruellement? Vous savez bien que je vous aime. Je vous en prie, ne vous inquiétez plus du domaine à cause de moi. Je ne m'en soucie pas, je puis m'en passer. Que mes sœurs aient ce qui reste, et je ferai moi-même mon chemin dans le monde. J'irai en Australie avec Mary, c'est ce que j'aurai de mieux à faire. Personne là ne s'inquiétera de ma naissance. Mais mon père, ne pensez jamais, ne dites jamais que je ne vous aime pas. » Le squire était trop ému pour pouvoir répondre immédiatement. Il se rassit et se couvrit le visage avec ses mains. Frank continua à se promener à grands pas dans la chambre jusqu'à ce que sa première idée reprît le dessus. « Puis-je dire à Mary que vous consentez à notre mariage, mon père? Cela la rendra si heureuse. » Mais le squire n'était pas préparé à consentir à ce mariage. Il avait promis à sa femme de faire tout ce qui dépendrait de lui pour l'empêcher, et il sentait lui-même que cet événement consommerait la ruine de sa famille. « Je ne le puis, Frank, je ne le puis. De quoi vivriez-vous tous deux? Ce serait une folie. Nous partirons pour l'Australie, comme je viens de vous le dire, » répondit Frank avec amertume. « Oh non, mon enfant, vous ne le pensez pas. Vous ne devez pas abandonner complètement le patrimoine de la famille. Après moi, vous êtes le seul, Gresham, et nos ancêtres ont vécu tant d'années ici. Mais si nous ne pouvons plus y vivre, mon père, nous le pourrions encore si votre projet n'y mettait obstacle. Je vous céderai tout, Frank, la direction de la propriété, le parc, toutes les terres dont nous pouvons disposer, si vous voulez renoncer à ce fatal projet. Oui, fatal, Frank, car vous n'avez que 23 ans, et pourquoi seriez-vous si pressé de vous marier ? Vous vous êtes marié à 21 ans, mon père. » Frank oubliait encore de ménager les sentiments du squire. « Il est vrai, » dit M. Gresham, « et vous voyez ce qui en est résulté. Si j'avais attendu 10 ans de plus, combien tout eût été différent. Non, Frank, je ne puis consentir à un pareil mariage, ni votre mère non plus. C'est votre consentement que je demande, mon père, et pas d'autre. » Ce serait pure folie. Mon cher Frank, mon cher enfant, je vous en conjure, ne me réduisez pas au désespoir. Attendez au moins 4 ans. 4 ans ? Oui. Je vous le demande comme une faveur personnelle, comme un service spécial, afin que nous ayons le temps de nous sauver de la ruine, vous, votre mère, vos sœurs, notre vieux nom et notre vieille maison. Je ne parle pas de moi, mais si un pareil mariage avait lieu, je serais réduit au désespoir. » Frank trouvait bien difficile de résister aux instances de son père, qui s'était emparé de sa main et de son bras, et qu'il tenait à moitié embrassé. « Frank, dites que vous attendrez 4 ans, 3 ans au moins. » Mais c'était ce que Frank ne voulait pas dire. Différer son mariage de 4 ans, de 3 ans même, c'était, lui semblait-il, renoncer complètement à un mari, et il ne reconnaissait à personne le droit d'exiger de lui un semblable sacrifice. « Ma parole est donnée, mon père. »« Donnée à qui ?»« À Miss Thorne. » »« Mais je la verrai, Frank, je verrai son oncle. Elle a toujours été raisonnable. Je suis sûr qu'elle ne voudrait pas causer la ruine de ses vieux amis de Greshamsbury. » Ses amis de Greshamsbury ont peu fait depuis quelque temps pour mériter sa considération. Elle a été traitée indignement. Je sais bien que vous n'y êtes pour rien, mon père, mais ce n'en est pas moins vrai, et je saurais mieux me conduire envers elle. Soit, Frank, je n'ai plus rien à vous dire. J'ai ruiné le domaine qui aurait dû vous appartenir, et je n'ai pas le droit d'exiger de vous ce que je vous demande. Frank était dans une grande perplexité. Il n'avait aucun sentiment de rancune contre son père. Il aurait fait n'importe quoi pour l'en persuader, sauf de renoncer à Marie. Il pensait plutôt que, comme chacun d'eux avait un reproche à faire à l'autre, il pouvait se considérer comme quitte, que son père devait lui pardonner le mariage qu'il était résolu de faire, puisque lui, de son côté, était tout disposé à pardonner au squire la mauvaise administration de sa fortune. Non qu'il traduisît positivement ses pensées sous cette forme, ni qu'il s'en rendît bien compte lui-même. Mais s'il eut pris la peine de les analyser, il eut reconnu que telle était bien la solution à laquelle elle tendait. « Mon père, dit-il, je fais au contraire grand cas de ce que vous me dites, mais vous ne voudriez pas que je fusse infidèle à ma parole. Eussiez-vous doublé les revenus du domaine au lieu de les diminuer, je n'aurais pas plus de respect ni de considération pour vous. » « Je serais alors en état de parler sur un tout autre ton. Frank, je le sens bien. » « Dites ce que vous désirez, mon père, comme vous le feriez en toute autre circonstance, et je vous en conjure, soyez bien persuadé qu'il ne viendra jamais à l'idée de me plaindre, jamais. Quels que soient les ennuis que vous puissiez avoir, que cela ne vous inquiète pas. » En disant ces mots, Frank sortit et alla errer dans le parc d'un air plus pensif qu'il n'en avait l'habitude. Il parlait d'embrasser une profession. Mais s'il en avait eu l'intention sérieuse, il aurait dû y penser un an ou deux plus tôt, ou pour mieux dire, faire plus que d'y penser. Il parlait aussi de faire valoir une ferme. Mais cela même ne pouvait pas se trouver en un moment, ni produire de suite un revenu suffisant. Où était son capital? Où était son savoir-faire? Il aurait pu se demander où était l'aptitude si nécessaire pour ce genre d'occupation. Il pouvait braver sa famille et épouser Mary Thorne s'il était disposé à montrer autant de fermeté que lui. Mais alors, qu'arriverait-il? Comme il se promenait lentement, abattant sa badine, les plus hautes marguerites, il rencontra M. Auriel qui, selon son habitude, se rendait au manoir pour y dîner et y passer la soirée avec Béatrice. « Combien j'envie votre sort, Auriel, dit-il. Que ne donnerais-je pas pour avoir dans le monde une position comme la vôtre ?» Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni sa femme. » On aurait peut-être dû ajouter « ni sa position », dit M. Auriel. Cela n'aurait pas fait grande différence, Auriel. Quand un homme est en proie à la tentation, il compte, je crois, les commandements de Dieu pour peu de choses. Vous croyez, Frank, cela est une dangereuse doctrine, et vous auriez peine à l'admettre si vous étiez dans ma position. Mais qu'est-ce qui vous rend si sombre? Votre propre position est généralement considérée comme des plus enviables que le monde ait à donner. Vraiment? Alors permettez-moi de vous dire que le monde a très peu à donner. Que puis-je faire? De quel côté dois-je me tourner? Auriel, s'il est une théorie oiseuse et mensongère dans ce monde, c'est celle de la haute naissance et du sang noble que quelques-uns de nous cherchent à maintenir, la naissance. En vérité, si mon père n'avait été qu'un boulanger, je saurais aujourd'hui ce qu'il faut faire pour gagner ma vie. Mais on ne me parle que de ma naissance. Ma naissance me donna-t-elle jamais un shilling ? Et le jeune démocrate continua sa promenade solitaire, laissant M. Auriel assez indécis sur la tendance de ses arguments.